Chapitre 3. Enfin, tu peux donc rentrer chez toi à l'heure qu'il te plaît, dit le père Picot à son fils, qu'il était venu voir dans sa nouvelle installation. Je n'en abuse pas, répondit l'étudiant en médecine. Es-tu content? Travailles-tu bien? Ce sera long, 4 ans. Nous faisons des sacrifices pour toi. Je compte bien que tu nous en récompenseras. Ta mère sera bien contente le jour où tu seras médecin. Quant à moi, tu sais que j'aurais mieux aimé te voir chez nous, prendre la suite de mes affaires. Mais tu as visé haut, ça te regarde enfin. Comme on fait son lit, on se couche. Tâche de bien réussir. Le père Picot n'était pas satisfait. Pendant 4 années, il lui faudrait payer une pension de 100 francs par mois à l'étudiant. 100 francs, cela faisait une somme. Ses rentes y passeraient, et même un peu plus. Il ne pourrait rien mettre de côté. Les affaires allaient mal. Heureusement, l'oncle Régalard avait proposé de compléter, avec 52 francs, qu'il enverrait à Jean, chaque mois, la somme nécessaire à l'entretien d'un jeune homme en province. Quand M. Picot l'eut quitté, Jean sourit. Ainsi son père n'avait trouvé que cela à lui dire. Pas un encouragement, pas un mot aimable, mais des reproches presque. Il lui faisait sentir la valeur du sacrifice. Il lui rappelait son existence dans la famille. Rentrer à l'heure qu'il lui plairait, mais parbleu, chose curieuse, depuis qu'il était son maître, il rentrait régulièrement chez lui après la fermeture du café. Jamais après 11 heures du soir. Son existence actuelle ne lui déplaisait point. Le jour de ce retour à Caen, d'anciens amis du lycée, étudiants comme lui, l'avaient emmené au café du Grand Balcon. Et dès cette soirée, Jean était initié à la vie des étudiants de province. Le matin, on suivait les cours à l'hôpital. À 11 heures, on prenait l'apéritif. À midi, déjeuner à la table d'hôte d'un hôtel. À 1 heure, on revenait au Grand Balcon, siroter un café, suivi de petits verres, de bocs absorbés pendant des parties de billard ou de piquet, continuer jusqu'à 5 heures. Alors, on prenait l'apéritif pour le dîner, qui se faisait à 7 heures, suivi du café, des liqueurs, des bocs et du jeu jusqu'à la fermeture de l'établissement. Jean vit dès le début à quelles dépenses se livraient ses camarades. Parmi ceux-ci, plusieurs n'avaient guère plus de pension que lui. Ils accumulaient les dettes, à l'hôtel ou au café, gardant pour monnaie de poche l'argent envoyé par la famille. Les dettes seraient payées par la famille après les examens. Jean savait trop bien qu'il n'obtiendrait pas un sou de son père, même après ses examens, et était trop soucieux de sa tranquillité pour faire des dettes. Il suivait ses camarades partout où ils allaient. Au Grand Balcon, il se contentait de prendre son café après le déjeuner et le dîner, sans y ajouter d'eau-de-vie ni de boc. Quant aux apéritifs, il les refusait, sous prétexte qu'il lui relevait l'appétit. Mais le soir, dans la fièvre des parties engagées, Jean, qui regardait les joueurs et marquait les points, prenait gratuitement sa part des tournées. Sa seule préoccupation était de savoir qui attraperait la culotte. Quelques étudiants, après boire, parlaient de faire une visite à une maison, restée ouverte après les cafés, dans une rue déserte près du fort, où l'on pouvait continuer à boire jusqu'au matin. Jean quittait alors la bande et rentrait seul. « Ah, ce Picot, il n'a pas de tempérament !» disait un de ses amis. Les journées se succédaient dans cette monotonie. Le dimanche, comme il n'y avait ni cours ni visite à l'hôpital, Jean faisait la grasse matinée, puis arrivait au Grand Balcon pour y retrouver les étudiants, à l'heure du madère. S'il faisait beau temps, la bande allait jusqu'au canal. Les barques s'étaient louées et, pendant l'après-midi, les canotiers allaient de l'un à l'autre des cabarets situés au bord de l'eau. Jean ne ramait jamais, craignant les ampoules. Il se contentait de tenir la barre, ce qui lui permettait de songer à son aise. Son imagination s'éveillait alors, et à la tombée du jour, quand la flottille rentrait à Caen, le soleil couchant teignant de rose les toits et les clochers de la ville normande, Jean se croyait transporté à Venise, sur une gondole du Grand Canal. « Où est l'artiste? Tu vas nous faire chavirer !» Jean donnait parfois des coups de barre maladroits, oubliant sa fonction dans son innocente rêverie. Quelques cousins ou modistes, invités aux parties de campagne, se moquaient de l'artiste, à cause de sa timidité avec les femmes. Mais il dédaignait les bonnes filles, aux mains rouges et piquées. Ne vivait-il pas toujours en compagnie des Elvire, des Graziella, des Pepa, des Béatrice de ses lectures? Il avait fait le serment de ne donner son cœur et son amour qu'à celle qui doit compter dans la vie de tout grand homme, et que, fatalement, il rencontrerait un jour. Les étudiants le sentaient supérieur à eux. Bien qu'il eût peu d'éloquence, il s'exprimait correctement. Avec facilité, une question d'art ou de littérature étant soulevée, il s'aidait de sa mémoire pour placer à propos les phrases du Larousse ou d'une chronique lue autrefois. Comme Paris était le rêve de sa vie, il dévorait tous les journaux du café, depuis le Figaro jusqu'au Tintamarre. Et il connaissait tous les potins du boulevard. Le nom de tous les gens de lettres, journalistes, comédiens et femmes galantes, s'intéressant au succès, aux intrigues de gens dont il connaissait, disait-il, le caractère, d'après la physionomie. Car il avait distrait quelque argent de ses dépenses pour acheter un stock de photographies trouvé par hasard chez son bouquiniste.